En ces temps incertains de coronavirus et de confinement, pour certains, certaines, beaucoup de nos échanges passent par le téléphone et par Internet. On reçoit de toutes parts plein de petits conseils et d'injonctions de toutes sortes. Comment se protéger du virus? Comment s'occuper sans sortir et sans devenir fou et folle? Comment? Oui, mais une autre question se pose. Comment protéger sa vie privée et nos libertés? Pour répondre à cette question essentielle, je vous propose, dans cette chronique régulière, d'aller à la rencontre de geeks en tout genre. Des passionnés de logiciels libres, de l'éducation populaire, de l'Internet comme outil d'émancipation plutôt que de contrôle. La dernière émission, on était avec Sapito, geek féministe, qui nous a initiés à la notion d'auto-soin numérique. On avait parlé ensemble de comment et pourquoi installer un navigateur plus soucieux de la protection de nos données personnelles. Cette semaine, on va continuer sur la question des navigateurs avec Translopette, qui se définit comme geek du dimanche. Il nous explique comment et pourquoi installer Tor, The Onion Router, un navigateur qui permet de masquer son adresse. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va, écoute, bien. Ça se passe bien, confinement? Tu passes pas trop de temps derrière des ordi? Eh ben, j'essaye pas trop. J'essaye de réduire mon temps derrière l'ordinateur, mais bon, je passe quand même un peu de temps derrière. Bon, t'es au courant, je t'appelle parce que je fais une chronique d'auto-soin numérique pour récolter un peu des conseils de Tati Geek. Ouais. Bon, l'idée, c'est qu'en ce moment, on passe quand même beaucoup de temps sur les ordinateurs et sur les téléphones. Et que c'est peut-être pas mal d'avoir des outils, des petits trucs, tu vois, des gestes barrières, des protections, des choses comme ça. Et voilà, donc je fais un peu un tour des Tati Geeks. Toi, Translopette, est-ce que tu aurais comme ça un conseil à nous donner? Le premier conseil comme ça que je donnerais sur un peu de la sécurité autour d'Internet, c'est d'utiliser Tor. Ok, ben, on est prêt à te suivre. Il faut que tu nous expliques peut-être qu'est-ce que c'est que Tor. Ouais. Pour ça, je vais d'abord parler de comment fonctionne un peu Internet. Juste pour dire que quand on utilise Internet, quand on utilise des navigateurs quelconques, que ce soit Firefox, Internet Explorer, Safari, etc. Quand on va sur un site Internet, notre ordinateur ou notre boîtier Internet a une adresse qui lui est mise comme un peu, on pourrait faire l'analogie avec une adresse postale. Donc on a une adresse qui nous géolocalise, qui dit un peu où est notre localisation. Du coup, ça donne des données au site sur lesquels on va. Et cette adresse, elle est unique, c'est-à-dire qu'on va la garder par rapport à notre ordinateur ou notre boîtier Internet. En tout cas, notre connexion Internet aura toujours la même adresse IP. Par exemple, là, si tu tapes « quelle est mon adresse IP » dans un moteur de recherche, il devrait te donner ton adresse IP et ta localisation. Alors, je vais essayer. Alors, effectivement, il me donne un numéro qui fait 7 chiffres. Il dit zone géographique Europe, pays de connexion France, ville de connexion indéterminée, ah. Cookie accepté, navigateur Mozilla, version 1, système Linux, langue française. C'est pas mal, hein. C'est pas mal de données quand même. Ouais, ça fait pas mal, ouais. On voit aussi que je passe par la Société française du radiotéléphone SA en faille. Ok. Voilà, du coup ça donne plein de données sur toi. Des fois ils arrivent carrément à géolocaliser la ville où tu te connectes. Pour par exemple les moteurs de recherche comme Google, qui sont friands de collecter toutes ces données, ça fait que toutes les recherches que tu fais avec la même adresse IP, il va pouvoir les collecter pour ensuite envoyer des publicités ciblées. Ou même les recherches que tu vas faire, il va prioriser les choses qui correspondent à ce que tu as déjà recherché. Ça, c'est si tu utilises Google. D'autres sites vont utiliser ces adresses IP comme des renseignements. Les grands géants comme Amazon, Google, etc. C'est ce qu'ils collectent, par exemple. C'est ces données-là. Ils vont les collecter pour savoir quels sont tes centres d'intérêt, qu'est-ce qu'ils vont te proposer, que tu vas pouvoir acheter, etc. Tout ça pour en venir à Tor. Tor, ce qu'il propose en gros, c'est de pouvoir faire en sorte que l'adresse IP que les sites vont voir, c'est pas ta propre adresse IP. Alors comment ça marche? Tout simplement, c'est que quand tu vas par Tor faire une recherche sur Internet par DuckDuckGo, parce que c'est le moteur de recherche de Tor, eh ben, il va se connecter par plein d'ordinateurs. Il va faire un espèce de trajet de plein de serveurs, plein d'ordinateurs, jusqu'à arriver à ta recherche. Et puis pareil pour le circuit inverse, il va repasser par plein d'ordinateurs, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir qui a demandé cette recherche, d'où vient en tout cas la demande. Et du coup, une personne qui veut espionner par exemple que tu demandes, elle va pas pouvoir savoir sur quel site tu te connectes ni ce que tu as demandé, elle va juste savoir que tu utilises Tor. Et alors pourquoi c'est important? Et bah justement parce que ça permet de laisser le moins de données possible sur Internet. En fait, les données personnelles, du coup, tout ce qui nous concerne, les connexions qu'on fait, les sites qu'on consulte, notre adresse IP, nos noms, nos adresses, tout ça, c'est des données qui sont vendues tous les jours par les gros sites qui font du capital dessus. Et en l'occurrence, c'est aussi des données que, à mon sens, je trouve ça important de protéger. Les recherches qu'on va faire, les sites qu'on va regarder, plein de recherches qu'on fait, ils nous définissent aussi dans ce qu'on est, quoi. Si je vais consulter régulièrement des médias alternatifs, des sites de radio alternatifs, etc., ça me définit aussi là où je suis. Et je pense que du coup, c'est plutôt important de faire attention à laisser le moins de traces possible et de ne pas nourrir les banques de données des géants de l'Internet. Dans les pays où il y a de la censure, c'est-à-dire dans certains pays où vraiment des sites ne sont pas accessibles, Tor, ils permettent de passer cette censure. Justement en faisant que l'adresse IP de l'ordinateur qui va faire la recherche, eh bien, il vient pas du pays qui l'émet réellement. Dans leur site, ils disent qu'il y a pas mal de censure en Égypte, en Chine, en Turquie, et du coup, il y a des possibilités de passer par Tor pour quand même pouvoir accéder à l'internet en général, quoi, et pas connaître la censure liée au gouvernement. Qu'est-ce qui fait que je ferais confiance plus à Tor qu'à d'autres? Qu'est-ce qui fait que toi tu fais confiance que effectivement tes données elles sont effacées? Ouais, c'est effectivement des histoires de confiance, c'est-à-dire que Tor, comme plein d'autres projets, c'est un logiciel libre, ce qui veut dire qu'il est développé par une communauté et que son code source, il est accessible. Et rien que ça, en fait, c'est énorme, ça veut dire que toutes les personnes qui s'y connaissent en termes d'informatique peuvent aller vérifier le code source et s'assurer qu'il n'y a pas des données qui vont être prises à des endroits, etc. La possibilité de vérifier le code source, elle permet et de vérifier que les personnes qui développent Tor, elles font pas n'importe quoi, et également de vérifier qu'il n'y a pas des piratages, qu'il n'y a pas des personnes qui ont transformé le code, et qu'il est toujours sûr. Tor, il est développé par une association à but non lucratif. Ça vient des États-Unis. Et après, je pense qu'il y a énormément de personnes, comme c'est des communautés de geeks, quoi, en gros, qui travaillent dessus, je pense que ça s'étend à plus que les États-Unis. Mais à la base, ça vient des États-Unis. Première version en 2002. Bah, c'est le concept des logiciels libres, c'est un peu ça, c'est que on a accès au code source, du coup, et on peut le réutiliser, et on peut regarder comment il est fait. C'est transparent, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour nous convaincre d'utiliser Tor ou est-ce qu'on passe à la phase pratique? Bah, on va passer à la phase pratique, je pense. J'espère avoir convaincu. Ah non, mais je peux dire quand même, c'est basé sur Firefox. En termes de prise en main, c'est assez facile pour les personnes qui utilisent Firefox en tout cas. Et en termes de vitesse d'internet, comme il passe par plusieurs ordinateurs, on peut ressentir un tout petit peu plus de lenteur quand on a une connexion un peu moyenne d'internet. Quand on a une bonne connexion, je pense qu'on voit pas trop la différence. Et quand on a une faible connexion, on peut un peu galérer. Mais voilà, sur les bonnes connexions, en tout cas, je pense que vraiment, on ne peut pas voir la différence entre les moments où on utilise Tor et ou pas. C'est illégal d'utiliser Tor? Oui, c'est légal. Il n'y a rien qui dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Bah après, c'est toujours la même chose. C'est qu'il y a plein de choses, c'est légal de les faire, Après, on peut estimer que ça peut nous rendre suspects de les faire parce que c'est une manière de protéger nos données, comme le fait de chiffrer un ordinateur, par exemple. On peut dire que ça peut nous rendre suspects, mais c'est légal quand même. Plus on est à utiliser Tor de la même manière que plus on est à chiffrer nos ordinateurs, et ben moins ça rend suspect toutes les personnes qui le font. Du coup, il y a plus un intérêt à utiliser Tor pour que ça devienne une habitude. Et toi, tu l'utilises tout le temps? Moi, je l'utilise le plus souvent possible, sachant qu'il y a certains sites qui bloquent Tor. Parce qu'on peut savoir du coup que Tor est utilisé. Des sites de banque, des sites d'assurance, ils vont avoir tendance à bloquer Tor, du coup on ne peut pas l'utiliser tout le temps. Et une autre chose, pour les personnes qui touchent des allocations de la CAF, c'est plutôt recommandé de ne pas utiliser Tor pour le coup quand on va sur le site de la CAF, parce que la CAF nous trace et donc regarde d'où on se connecte. Et par exemple, moi j'ai eu un contrôle CAF qui était lié au fait que j'utilisais Tor pour me connecter sur la CAF, pour justement pas distribuer mes données personnelles de partout. Mais ça a fait que la CAF a estimé que je me connectais de plein de pays différents. Donc sûrement je voyageais beaucoup. Donc ils m'ont contrôlé, bon ils ont bien vu que ça correspondait pas avec mes retraits et tout ça. Ok, mais ça donne quand même l'indication de à quel point en se connectant sur Internet, on envoie certaines données quand même. Ah bah tout à fait. En tout cas oui, clairement la CAF regarde d'où on se connecte. Alors, ben moi je suis prête. On va mettre une petite musique pour laisser aux auditeurs et auditrices le temps d'aller chercher leur ordinateur, de le brancher et de se connecter Internet. Ouais. La pause musicale, c'est un morceau qui s'appelle We Are Data de Chick on Speed, un groupe féministe du début du 21e siècle. Et on se retrouve après pour passer à la phase pratique. Allez, on y va, on installe Tor. I've got so many libraries on all these piles of hard drives. How do you find it? What kind of search engine do you use? What we buy, what we sell, what do you want? What do you want? We'll be right back. bon, bah ça y est, je suis prête à te suivre. Comment on fait là pour installer Tor? Eh ben c'est très simple. Tu vas ouvrir ton navigateur internet. Ouais. Alors moi, j'ai installé Firefox à la dernière émission avec Sapito. Donc c'est Firefox. Ok. Et dans Firefox, tu vas taper torproject.org. Torproject.org. Tu peux taper ça directement dans la barre de navigation. C'est ça, là où il y a des adresses en HTTP qui apparaissent. Ok. Alors là, j'arrive sur une page violette. Ouais. Où il y a marqué... ah ben, il est en anglais. Je vais le mettre en français, ce sera plus pratique. Voilà, tu peux le mettre en français. Du coup, pour ça, tu peux aller à droite. Dans le coin en haut à droite, ouais. Ouais, c'est ça. Et il y a les langues. Enfin, c'est marqué anglais et tu peux choisir la langue que tu veux. Ça y est. Donc, j'arrive sur une page violette avec marqué « Défendez-vous contre le pistage et la surveillance, contournez la censure ». Ouais. En dessous, tu as la possibilité de télécharger le navigateur Tor. Ouais, il y a un petit bouton, onglet « télécharger le navigateur Tor ». Je clique dessus. Voilà, tu cliques dessus. Ok. Alors, du coup, je suis sur une page toujours violette où il me propose soit de le télécharger pour Windows, soit de le télécharger pour Mac, soit de le télécharger pour Linux, soit de le télécharger pour Android. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aussi installer Tor sur son téléphone portable. Oui, sur les smartphones. On peut tout à fait installer Tor pour les smartphones qui ont Android, mais qui sont la plupart des smartphones aujourd'hui. Tor est disponible dans le Play Store, dans l'endroit où on télécharge les applications. Alors, tac, tac, tac. Ok, mais je l'ai téléchargé. Donc j'ai cliqué dessus. Ouais. Bon, ben. Ouais. Ça met pas très longtemps. Ça y est. Ok. Pour Windows, du coup, tu dois avoir un fichier qui finit par .exe. Il suffit de double-cliquer dessus pour qu'il s'installe. Peut-être il va te demander où est-ce qu'il doit l'installer. Ok, donc là j'ai cliqué sur le .exe, là, ça l'a installé. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Et ben maintenant qu'il est installé, du coup tu vas pouvoir ouvrir Tor. Mm-hmm. Normalement, il t'a fait un petit raccourci sur le bureau. Mm-hmm. Un petit oignon. Pourquoi un oignon? Eh ben oui, c'est ça, c'est que Tor, ça veut dire, alors je sais plus le T, mais bon, en tout cas c'est le routeur en oignon. Il estime que c'est comme un oignon, le fait de se connecter à plein plein d'ordinateurs, ça fait comme plein de couches de l'oignon qui représentent toutes les couches par lesquelles on passe quand on passe d'ordinateur en ordinateur. Ok, alors j'ai un petit oignon sur mon bureau qui s'appelle Tor Browser. Browser, on l'a vu dans l'émission précédente, ça veut dire navigateur. Donc, c'est un navigateur Tor pour aller sur Internet. Je clique dessus. Ouais, tu double-cliques dessus, ouais. Ça s'ouvre sur une page. Il y a deux boutons, soit connecté, soit configuré. Voilà. Configuré, bah, c'est ce qu'il dit dans sa petite phrase. C'est que, notamment pour les pays qui ont de la censure, tu peux configurer pour qu'ils ne voient pas que tu utilises Tor. Tu passes par un espèce de pont. Moi, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est comme si, bon, ils avaient un ordinateur en particulier qui faisait que ça sortait direct du pays ou qui était dans le pays quand tu fais des recherches qui sont censées être censurées dans ce pays-là. Et nous, en fait, on peut se connecter assez aléatoirement, mm-hmm. en France en tout cas, sur n'importe quel ordinateur. Du coup, on peut mettre se connecter et c'est lui qui va choisir par où il passe. Mais sachant que si on veut, à des moments, passer par un pays en particulier, on pourra le configurer. Ah oui, tu veux dire que si je veux naviguer en faisant croire que je suis, je sais pas, en Allemagne, je peux configurer ça? Ça existe aussi par Firefox, c'est ce qu'on appelle les proxys. C'est la possibilité de comme prendre une adresse IP qui n'est pas la tienne, mais de se connecter directement sur cet ordinateur-là. Et ça fait comme si tu étais dans un autre pays. Moi, j'ai pu l'utiliser, par exemple, pour télécharger une fois un documentaire québécois que si j'étais pas au Québec, je pouvais pas le télécharger. Mais qu'en utilisant une adresse IP qui était du Québec, et ben j'ai pu le télécharger. Ok, donc je clique sur Connect. Voilà. Et là, normalement, il ouvre un navigateur qui peut ressembler un peu à Firefox, quoi. Ouais, il y a une barre de recherche au milieu, une barre d'adresse en haut, il y a un peu ce qu'on a vu la semaine dernière par rapport à FileZilla. Voilà, il y a des onglets, des favoris, un menu avec trois petites barres. Tout à fait. Ce qu'on peut dire sur ce navigateur, ses spécificités. Par exemple, moi, ce que je peux conseiller, juste à côté de la barre de navigation, la barre d'adresse, du coup à droite, t'as un petit bouclier. Oui. Il est blanc. Ça veut dire qu'en gros, il est sur un niveau de sécurité normal. Et on peut choisir de renforcer un peu la sécurité. Il propose trois choix, standard, plus sûr ou le plus sûr. Bah, à nous de voir quelles sont nos utilisations de Tor. Moi, je mets plus sûr parce que, par exemple, ça bloque les sons et les vidéos et qu'il faut que je clique dessus pour les lire. Comme ça, ça ne me met pas des trucs que j'ai pas envie d'avoir. Tu mets plus sûr ou le plus sûr ? Non, je mets plus sûr. Le plus sûr, j'ai l'impression que ça peut quand même trop bloquer des sites, des fois. Du coup, je fais pas ça, mais c'est possible de le faire. Je trouve que le problème d'augmenter les niveaux de sécurité, c'est que des fois, il y a des sites qui bloquent parce que d'un coup, on leur bloque trop d'éléments. Mais bon, de toute façon, on a toujours le choix. Ça, on l'a vu la dernière fois. On peut toujours aller dans le menu et puis régler ça. Et puis, si on n'est pas content, on change, on revient en arrière. Tout à fait. Il n'y a rien qui est définitif. C'est juste des réglages et qu'on ajuste en fonction de ce qu'on veut. L'autre truc assez intéressant que j'ai envie de dire sur les petits symboles à droite, c'est qu'il y a un petit balai avec des étoiles. Peut-être on voit pas tout de suite que c'est un balai avec des étoiles, mais en tout cas c'est un balai avec des étoiles, juste après le bouclier. Tu le vois ? Ouais. Et ben ce petit balai, il est très intéressant. C'est vraiment un balai qu'on voit que avec Tor. Si on clique dessus, ça nous crée une nouvelle identité. Ça veut dire que si on clique dessus, ça rouvre notre navigateur Tor, mais on a changé d'adresse IP. Par exemple, admettons, j'ai une adresse sur RiseUp, et puis j'ai une adresse poubelle sur Hotmail, par exemple. J'ai pas envie que mes deux adresses elles aient des liens entre elles. Si j'utilise la même adresse IP, même si j'utilise Tor, elles vont être reliées quand même avec cette adresse IP, même si c'est pas la mienne. Alors, par exemple, je peux choisir qu'elle soit pas reliée et ça veut dire que j'utilise Tor pour aller sur mon adresse RiseUp. Et puis, une fois que j'ai fini, je fais un petit coup de balai magique. Mon navigateur Tor change d'adresse IP et là, je vais me connecter pour aller sur... Mais ça, du coup, si tu as déjà été avec un navigateur standard sur tes deux adresses mail, c'est trop tard ? Bah, plutôt ça fait qu'effectivement elles sont reliées. Après, moi je trouve ça toujours bien que même si elles sont reliées, de s'habituer à avoir ces gestes-là. Parce qu'il est possible qu'on change d'adresse à un moment donné. C'est un peu comme se laver les mains à chaque fois que tu touches quelque chose. Voilà, des gestes barrières. Quand on en fait des habitudes, mais comme le fait d'utiliser Tor le plus souvent possible, c'est des habitudes. Et je trouve que si, hop, il est disponible, c'est facile, on clique dessus, il est aussi facile à utiliser que Firefox, et ben on va l'utiliser d'autant plus. Et c'est pareil pour ces trucs un peu réflexes, de dire, ah ben, en fait, je vais utiliser mon adresse mail avec une telle adresse IP, et puis si, par exemple, j'ai envie de faire des recherches, que j'ai pas envie que ce soit relié à mon adresse, et ben, paf, je mets un petit coup de balai magique, c'est très simple, il suffit de cliquer. Et je fais d'autres recherches. C'est un peu une stratégie pour embrouiller la surveillance. En fait, c'est une manière de faire en sorte que nos données de connexion, nos données de recherche, tout ça, on ne puisse pas savoir que ça vient de la même adresse IP, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir dire telle personne, elle est sur telle adresse, elle fait telle recherche, elle est intéressée par tel truc. Là, ça disperse à plein d'ordinateurs. On connaît pas, c'est des gens qui veulent bien faire ces relais Tor. Tu peux expliquer comment ça fonctionne en réalité ? Bah, j'ai un peu expliqué, c'est-à-dire que quand on se connecte par plein d'ordinateurs. Ça va partir du nôtre et c'est un peu aléatoire. Du coup, ça va aller sur un ordinateur qui va par exemple être en Allemagne, et puis un autre ordinateur qui va être aux États-Unis, puis un autre ordinateur qui va être de nouveau en Allemagne, puis un autre en Suède, et puis un autre en France, et puis ça arrive au nôtre. Mais du coup, c'est des ordinateurs privés, c'est quoi? Oui, en tout cas, la plupart, c'est des personnes qui décident d'être un relais Tor. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des personnes qui vont mettre à disposition l'ordinateur. Du coup, c'est des ordinateurs souvent qui sont tout le temps connectés, enfin qui sont jamais éteints, parce qu'il y en a besoin. Et du coup, ça peut être des ordinateurs privés ou des serveurs. Le fait que voilà, ça fasse des milliers et des milliers d'ordinateurs, bah, ça fait qu'on a toujours un chemin aléatoire. Et ce qui est intéressant, c'est que même si une personne, par exemple, c'est un flic. Ça veut dire qu'il capte, qu'il est transmis. Par exemple, il est à un endroit de l'oignon. Mais en fait, lui, ce qu'il va avoir comme information, ça va être seulement l'ordinateur d'avant, qui n'est pas forcément le vôtre, et l'ordinateur d'après. C'est ça qui est intéressant, c'est que même s'il y a des mouchards dans Tor, ils n'auront pas l'information globale qui est qui a demandé et où va la recherche. Je sais pas si je suis très clair. En gros, ça fait que chaque personne du parcours a les infos que de l'ordinateur qui l'a précédé et de l'ordinateur qui le suivent. Du coup, ça permet une certaine sécurité. Bon, mais il y a plein de gens qui diront quand même qu'eux, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils n'ont rien à cacher. Pourquoi se cacher? Bah ouais, moi j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes arguments que par rapport à la vidéosurveillance. J'ai l'impression que pour moi, c'est pas une histoire de qu'est-ce qu'on a à cacher. Moi j'ai l'impression qu'il faut prendre la question autrement. C'est est-ce qu'on a envie que toute notre vie privée soit montrée? D'une part, ces données personnelles, toutes ces données qu'on laisse à foison sur Internet, elles sont utilisées pour enrichir les capitalistes, ce qui n'est pas vraiment un truc qu'on a envie de faire. En tout cas, pour ma part, j'ai pas envie d'y contribuer. Et par ailleurs, si l'État actuel devient de plus en plus sécuritaire et de plus en plus à contrôler ce qu'on doit être, eh ben, on sera bien content, en tout cas, de ne pas avoir laissé toutes ces traces. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. On est déjà beaucoup surveillé. Moi, je pense que oui, on a tout intérêt à se protéger de ça, en fait. Moi, je l'utilise de manière courante. Bon, donc on a installé Tor, tout marche bien, c'était assez rapide, c'était assez simple. On peut aller vérifier par rapport à tout à l'heure quand tu as taper ton adresse IP, ça t'a donné une certaine adresse IP. Et là, avec le fonctionnement de Tor, du coup, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il passe par d'autres ordinateurs et du coup, ça devrait transformer ton adresse IP. Du coup, tu peux vérifier par Tor, du coup, en tapant dans ton moteur de recherche quelle est ton adresse IP. Tu peux aller voir ben, quelle est ta nouvelle adresse IP et où elle se géolocalise, par exemple. Ok, donc je tape quelle est mon adresse IP. IP. Ouais. Alors, effectivement, il me donne un autre numéro, pas Ouais. du tout celui que j'avais en début. Et si je clique sur Informations Information détaillées, détaillée. ah bah écoute, je suis connectée depuis l'Autriche. Ah bah voilà. Super. Et je vais quand même voir si ça marche bien. Je vais vérifier. Tu as une petite chanson à me conseiller comme ça pour... Tu veux une chanson? Allez, on n'a qu'à aller écouter Allô, allô, monsieur l'ordinateur de Dorothée. Tu m'as orienté vers une petite référence musicale, parce qu'on est quand même dans une émission qui s'appelle les conseils des tati geeks. Donc Dorothée, ouais, ça date des années 80, je pense. À fait. Et alors, le problème, là, je viens de le taper avec Tor Browser. Dorothée. Alors, bon, bah, il trouve, hein, sans aucun problème. Dorothée, allô, allô, monsieur l'ordinateur. Si je clique dessus. Ah, il veut pas. Ah, il veut pas. Il veut pas du tout écouter Dorothée. Il me dit qu'il y a un problème. C'est quoi son problème? Il bloque un script, c'est ça qu'il dit, non? Il le dit pas si clairement que ça. Il dit notre système a détecté un trafic inhabituel de ton ordinateur. Essayez plus tard. Ah non, mais alors ça, c'est particulier. En fait, tu peux réessayer dans ce cas-là de te connecter avec une nouvelle identité. En fait, c'est juste qu'il y a des sites commerciaux qui bloquent Tor. Je pense que là, ils repèrent que tu te connectes avec Tor. Et comme eux, ça les arrange pas, ils te bloquent. Du coup, ça vaut le coup de réessayer. Donc là, je mets le petit balai, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, j'ai une nouvelle page. Je retape Dorothée. Allô, allô. Là, ça m'a ouvert une fenêtre YouTube avec un clip. Sauf que à la place, j'ai un énorme S qui a l'air très en colère. Il a les sourcils froncés et des grosses dents. Et il est barré. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire que, comme Tor est un peu protégé, il faut que manuellement, en gros, que tu acceptes qu'il lance la vidéo. Si tu lances la vidéo, il doit t'afficher... la possibilité d'autoriser youtube.com/watch. Ouais, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte et effectivement, ouais. Il me dit est-ce que vous voulez autoriser ce site? Et là, je dis ok. Ouais, tu mets ok. Et là, effectivement, je vois Dorothée. Ça fait bizarre, hein? Donc ça veut dire aussi que quand tu vas plutôt faire du streaming ou regarder des clips vidéo sur YouTube et tout, c'est peut-être pas la peine d'utiliser Tor. Tu peux quand même le faire, mais c'est sûr que... Enfin, le streaming, c'est pareil, c'est énormément de données qu'ils enregistrent sur toi, de qu'est-ce que tu regardes. Mais c'est sûr que YouTube, il va avoir tendance à bloquer à des moments, bah, parce qu'ils ont rien à prendre sur toi, du coup, ils sont pas d'accord. Et aussi, ça demande à chaque fois, effectivement, de valider que tu veux effectivement regarder la vidéo. Bon, bah, je veux vraiment la regarder, hein. Vous avez appelé le bureau du bonheur, ne quittez pas. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi, ne quittez pas bureau du bonheur, où il est? Nous recherchons votre petit cœur. Dites-moi, toutes les données dans l'ordinateur, s'il vous plaît, sont programmées. Oh, oh, oh. Bon, bah du coup, ça nous a pris vraiment pas longtemps pour l'installer. On a vu que c'est aussi très simple à utiliser. Donc là, c'est vraiment un petit conseil très précieux parce que ça fait un gros changement et c'est pas très compliqué finalement. Bah non, c'est pas du tout compliqué. C'est aussi une des raisons pour laquelle je trouve que c'est assez chouette ce qu'ils ont développé, cette communauté de geeks. Où c'est facile de le prendre en main parce que c'est basé sur Firefox. C'est simple de le télécharger, de l'installer. Il y a aussi une possibilité dans le site de consulter des aides, des guides d'utilisation. Si jamais on est un peu perdu. Bon, en tout cas, ouais, je trouve que ça vaut le coup, quoi. En termes de sécurité d'Internet. Ouais, bah c'est chouette. À ton avis, pourquoi les gens l'utilisent pas, alors? Souvent, c'est parce qu'on connaît pas. Parce que c'est des initiatives qui sont quand même peu mises en avant. Le fait de vouloir justement protéger ces données. C'est pas ce qu'on nous demande de faire. On demande plutôt l'inverse. On va plutôt nous demander d'utiliser des tonnes de logiciels qui enregistrent nos données. Donc c'est peu connu. À la question de quand datait Tor, donc on a vu que ça datait de 2002. Et bon, les premiers essais de Tor, c'est comme tous les logiciels libres en fait. C'est qu'au départ, c'était pas si évident de les prendre en main. Aujourd'hui, ça a été rendu vraiment hyper facile à la prise en main, mais même ne serait-ce que des systèmes de Linux, quoi, les Debian, les Ubuntu et tout ça, c'est devenu vraiment facile à prendre en main, alors que c'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années ou un peu plus. Ça a beaucoup progressé, mais par ailleurs, les gens peut-être ont gardé comme souvenir que c'était pas simple. Mais je dirais qu'en tout cas, ça vaut le coup de parler à tout le monde que c'est très facile d'installer Tor et que ça vaut le coup de le faire. Est-ce que tu as envie de partager autre chose, une lecture, un film, un lien que tu trouves intéressant sur ces questions? Ce que j'aurais envie de partager comme truc un peu de base, c'est les guides d'autodéfense numérique qui sont disponibles sur Internet. Guide d'autodéfense numérique. Alors, c'est https://guide.boom.fr. www.ecosystem.org. Il y a deux guides. Il y en a un qui est beaucoup sur tout ce qui se passe hors connexion, qui parle vachement de toutes les traces qu'on laisse sur un ordinateur, comment on efface nos données. Et puis, il y en a un autre sur plutôt tout ce qui est en connexion, en ligne. C'est des guides qui sont balèzes, il y a beaucoup de pages. C'est pas forcément intéressant de les lire en entier. Mais par contre, il y a une table des matières qui est hyper bien faite dans les deux guides. Et du coup, c'est aussi possible d'aller chercher ce qui nous intéresse. Et c'est assez bien décrit, c'est pour des systèmes Linux que c'est fait. Dans l'optique que c'est quand même vraiment mieux de fonctionner sur un système Linux parce que c'est beaucoup plus sécurisé. C'est assez bien décrit ce qu'il faut faire, quel logiciel installer si on veut effacer correctement des données ou si on veut effacer des métadonnées, enfin plein de choses en tout cas qui peuvent être disponibles via ces guides. C'est vraiment une référence de base, un peu comme un dictionnaire ou une encyclopédie. Quand on se pose une question, on peut aller regarder de ce côté-là. Je remercie Translopette, Geek du Dimanche, pour cette émission. J'espère que vous avez réussi à suivre. Sinon, vous pouvez toujours écouter cette émission en podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures.